l'été tranquille, elle en France retient, elle me retient. Le vent se mêle au murmure des âmes de lumière. La maison en pierre près de la rivière, la maison en pierre n'est jamais son air. La maison en pierre près de la rivière, la maison en pierre n'est jamais son air. Je vais s'en aller. Le sol est chaud, je ne bouge plus. Le virage à gauche, elle va m'attendre au détour. La maison en pierre près de la rivière, la maison en pierre que je vais sonder. La maison en pierre, près de la rivière, la maison en pierre, que j'avais sonné, que j'avais sonné. Assis sur le banc, l'heure est malicieuse. Le feu, la bande, j'attends le moment, il reste là. La maison en pierre, près de la rivière. La maison en pierre, que je vais sonner. La maison en pierre, près de la rivière. La maison en pierre, que je vais sonner.